Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Nelson Mandela. I have cherished the idea of a democratic and free society. If it needs be, it is an idea for which I am prepared to die. Nelson Mandela, le 20 avril 1964, à l'ouverture du procès qui va le condamner à la prison à perpétuité. Au final, Nelson Mandela va passer 27 années de sa vie derrière les barreaux. Dans cet extrait qu'on entend, il déclare être prêt à mourir pour défendre son idéal d'une société libre et démocratique où tous les citoyens sont égaux dans son pays, l'Afrique du Sud. L'histoire de Mandela est étroitement associée au grand combat pour le respect et l'égalité des droits humains. Mandela sera finalement libéré le 11 février 1990. L'une des dates les plus marquantes de toute l'histoire du 20e siècle. There's Mr. Mandela, Mr. Nelson Mandela, a free man taking his first steps into a new South Africa. Noir, blanc, métis, indien, le pays entier était là. Le monde entier regardait la libération de Nelson Mandela. C'était l'événement. After 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man. In the name of peace, democracy and freedom for all. Good evening. Nelson Mandela is free. C'était l'équivalent de la libération de Paris. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend, mais Dieu merci, cette journée, on l'attendait pendant très longtemps, puis on va en profiter. Mr. Mandela, James Robbins, BBC News from London. Can you describe your emotions as you came out of the prison? I must confess, I'm unable to describe my emotions. Extrait d'un reportage diffusé à l'émission des hôtels le 11 février 2010, jour du 20e anniversaire de la libération de Nelson Mandela. C'est le professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, Dan O'Meara, que vous entendez dans cet extrait. Lui-même sud-africain, Dan O'Meara a été membre de l'ANC, le Congrès national africain, pendant 20 ans, pour nous présenter le portrait de Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, je le signale, avec le président sud-africain Frédéric de Klerk en 1993. Je reçois la journaliste et auteure Lucie Pagé, qui partage sa vie entre le Québec et l'Afrique du Sud depuis des années. Lucie Pagé, bonjour. Bonjour, depuis 26 ans, depuis sa libération. Oui. Vous le connaissez très bien, vous l'avez très bien connu, Nelson Mandela. Il faut signaler que votre mari, Jane Edou, a été ministre dans le gouvernement de Nelson Mandela. Première question, plus personnelle, parce qu'on va faire sa vie plus officielle tout au cours de l'émission, mais quand vous repensez à lui, qu'est-ce qui vous vient tout de suite, spontanément en tête? Sa profondeur, la profondeur de son humanité. C'est quelqu'un qui écoute. Et il a appris ça très jeune. Et il écoute quand il devait devenir le chef de son village. Il écoutait son oncle, en fin de compte, un de ses oncles qui agir et ce qui était le chef de village. Puis c'est ce qu'il avait remarqué. Il attendait que tout le monde parle avant de parler. Et ça m'avait beaucoup frappé, même quand il y a beaucoup de gens. Mais l'autre chose qui me frappait, c'est qu'il apportait attention aux gens, j'aime pas ce mot-là, mais en guillemets, ordinaires. Ouais. Et quand il est venu chez nous, la première personne à qui il a parlé, c'était notre aide domestique. Dans les restaurants, ceux qui lavent la vaisselle, dans les hôtels, ceux qui font le lit, ceux qui font le ménage. Et ce sont ces gens-là, que moi j'ai compris aussi, qui me faisait comprendre que sans ces gens-là, qui nous ouvrent les portes, qui nous servent et qui lavent nos planchers, le monde s'effondrerait en 24 heures. 23 minutes pour faire la vie et le parcours de Nelson Mandela, c'est un sacré défi. Attaquons-nous-y directement. Vous avez un petit peu évoqué l'enfance. Ce jeune Mandela qui écoute, c'est celui qui grandit dans une famille... une grande famille, en fait. Il avait quatre mères. Il est la troisième femme de son père, c'était sa mère. Mais après, il appelait les quatre femmes maman. Oui. Et on l'appelait Tata Mkoulou quand il était jeune. Tata, on l'appelait quand on voyait Tata, ça veut dire grand-père, pas sans trait d'union. Grand homme, Tata, Madiba. Madiba, c'est un autre nom de clan. Donc, Tata Mkoulou, ça veut dire Mkoulou, c'est quelqu'un, un grand-papa qui est vieux, qui est sérieux. Même quand il était petit, il était sérieux, on voyait qu'il était sérieux. Et ce qu'on remarquait, quand il jouait avec ses jeunes camarades de classe, ce qu'on remarquait, c'est que jamais il faisait perdre la face à quiconque, ouais. Même enfant. Ouais. Il va, il va être éduqué. C'est un noir, mais il appartient à l'élite noire. Il en est conscient d'ailleurs. Il va fréquenter plusieurs universités, Nelson Mandela. Un mot quand même pour rappeler, Lucie Pagé, ce que c'est que d'être noir dans cette Afrique du Sud des années quoi, 40, 50, 60. Oui, mais même... Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir aucun droit, ça veut dire se faire traiter de singe, ça veut dire pas avoir de dignité humaine. Écoutez, il a même perdu son nom. Il s'appelle Rolly Schlachla. Quand il est arrivé à l'école à l'âge de 7 ans, il a dit non, c'est un nom noir, c'est bon rien, on va t'appeler Nelson. Oui. Donc, on perd même son nom en étant noir. En Afrique du Sud, ça va jusque-là. Évidemment, une discrimination systémique. Il y a des quartiers qui sont réservés aux Noirs, des quartiers qui sont réservés aux Blancs. C'est ça, la toile de fond. À la naissance, on a notre espérance de vie à la naissance selon la classification raciale. Mandela a vécu jusqu'à 95 ans, mais je peux peut-être dire... j'ai demandé pourquoi, comment il vivait si vieux. Puis est-ce qu'il devenait président, il avait 76 ans. Il dit, Lucie, c'est simple. En prison, on donnait aux Blancs des aliments avec du sucre blanc, du pain blanc, puis du gras. Nous, on avait le pain brun, le sucre brun et pas de gras. Et c'est pour ça, je suis vieux. Il y a quand même du bon dans cette aventure. Ça montre qu'il y avait de l'humour aussi, probablement. Il en vient comment? L'aventure politique, ça se passe quand? Il y a une rencontre fondamentale, je pense, avec Walter Sisulu. Alors, ironiquement, il quitte son village à la course parce qu'on veut qu'il devienne chef. Il arrive en courant à Johannesburg. On veut le marier aussi. On veut le marier. Il arrive à Johannesburg, il cherche du travail, il est en train de faire ses études en droit. Il rentre dans un bureau, il y a Walter Sisulu, qui était secrétaire général de l'ANC, qui est la force solide, le grand stratège d'Afrique du Sud et de l'ANC, c'est Walter Sisulu. Puis quand Mandela est rentré, il a fait la même observation que ses parents, que les gens dans son village, tu as les qualités d'un leader. Puis il l'avait pas vraiment pris au sérieux, mais c'est Walter Sisulu, son mentor, et qui a vu ces qualités-là en lui, puis qui a fait quelque chose. Et là, il s'engage, c'est le début, donc, il devient membre de l'ANC, le Congrès national africain. Il va créer une aile jeunesse à l'ANC. C'est-à-dire qu'il la ravive. Elle était morte, l'aile jeunesse. Et quand Walter l'a vu, il dit, c'est toi qu'il faut pour la raviver. En 48, c'est une renaissance de la Ligue des jeunes de l'ANC. Et Mandela, c'est là que son nom devient Mandela. C'est là qu'il commence à être connu plus encore 4 ans plus tard, en 1952, pour la campagne de défiance. On défie tout pacifiquement. Oui. Et Mandela, on commence à l'appeler le leader. Ça, c'est une première étape. C'est important, effectivement, ces fameuses campagnes de désobéissance civile. Il y aura un virage. On y vient dans un instant après le massacre de Sharpeville. Mais ça donne quoi? Qu'est-ce qu'ils font dans ces campagnes-là? Alors, ils ont arpenté le pays de long à large pour écrire la Constitution, qui est un peu celle qu'on a aujourd'hui, le Freedom Charter. C'est ce qu'il a fait, Mandela. C'est un des plus grands démocrates que je connais. Puis on teste le système, là. On va aller dans un bureau de poste dans lequel, par exemple, les Noirs doivent pas aller. On se fait arrêter. Là, il y en a 50 qui se font arrêter. Ah oui, il y en a 100 qui se font arrêter. Il y en a 1000 qui... C'est ça, au fond. Oui, et c'est tout... Il a pris ça de Gandhi parce qu'il était... il croyait à Gandhi et à la non-violence. Donc, partout, faire brûler, par exemple, leur passe que juste les Noirs avaient. Tout pacifiquement, puis c'est un peu... tu me tapes la joue, tape-moi l'autre. Là. Oui. Et puis, c'est ce qu'il a fait jusque... La date qui a tout changé en Afrique du Sud, c'est le 21 mars 1960, où on a tué 69 personnes, la plupart dans le dos, qui manifestaient contre une des lois de l'apartheid. Et qui ne voulaient pas, justement... C'est par rapport au passe, justement. On refusait d'avoir cette passe-là qui était celle que les Noirs devaient porter. Puis le gouvernement a tué beaucoup de monde, mais là, ça a été dramatique. 69 personnes dans le dos. Alors, Mandela dit « c'est assez ». Ça, c'est le massacre de Sharpeville. C'est le massacre de Sharpeville. Et effectivement, Mandela dit « c'est assez ». Qu'est-ce que ça veut dire, ce « c'est assez-là » Ça veut dire que la guerre armée commence. Mais attention, quand c'est la naissance de l'Umkhonto Wesizwe, la lance de la nation. Le bras armé de l'ANC, et Mandela en est le chef. Et c'est la raison pour laquelle il a été emprisonné 27 ans, parce qu'il était le chef du MK, parce qu'il était en prison juste pour 5 ans, lui. Ouais. Alors, ils mettent sur pied ce plan-là, mais c'est pour attaquer le gouvernement dans des cibles où il n'y a pas de civils. Par exemple, les pylônes électriques ou les centrales électriques. parce que de toute façon, qui avait l'électricité? C'était les Blancs. Donc, il fait attention pour tuer le moins de gens possible, ouais. mais de déranger les Blancs. Mais c'est un virage quand même important. Là. Politiquement, philosophiquement, ils se disent, Mandela se dit, puis ils sont quelques-uns à faire le constat, on ne peut plus résister pacifiquement. Il faut qu'on fasse des actions d'éclat, des actions armées. Il se retrouve en prison, vous le disiez. Il y aura probablement deux périodes. On y reviendra aux années 70, milieu des années 70, quand la cause de l'apartheid, qui sera beaucoup incarnée par Mandela, va devenir une cause internationale. Mais les premières années, les années 60 jusqu'au milieu des années 70, ça ressemble à quoi, Lucie Pagé, sa vie en prison à Mandela? Alors, il est le chef en prison. Il arrive en prison et ses camarades, parce qu'ils sont métis, indiens et noirs. Ses camarades métis, indiens, ils ont des pantalons longs, des chemises longues. Puis on dit, oh, vous avez juste des chemises en manches courtes, pas de bas. Il faisait froid à Robben Island et des pantalons courts. On va faire comme vous. Puis Mandela dit non, faut se battre par le haut. Au bout de quelques années, tout le monde, eux, avait les mêmes vêtements. Ils se sont battus pour la nourriture. Ils n'arrêtaient pas de se battre. Et même en prison, il a dit, le geôlier lui dit, marche plus vite. Il dit, je vais marcher aussi vite que ça prend pour un être humain. Mais ce qu'il a fait, surtout en prison, c'est qu'il a appris la langue africaine. Il a appris l'histoire africanaire, la poésie africanaire. Il a appris ce qui faisait battre le cœur de son ennemi au cas où un jour il avait à sortir et négocier avec lui. Le 21 mars 60, l'émeute de Sharpeville, ça a été fondamental. Un autre événement qui va être vraiment déterminant pour Mandela et pour l'Afrique du Sud, c'est les émeutes de Soweto en 1976, parce que c'est un peu ça l'élément déclencheur de ce grand mouvement international contre l'apartheid. Et c'est à ce moment-là, probablement, peut-être un peu avant, on y reviendra après l'extrait qu'on va entendre, mais que Nelson Mandela devient le symbole qu'il aura été de cette lutte contre l'apartheid. On écoute Jean-Guy Loiseau à ce propos, biographe de Mandela à l'émission Des Hôtels en 2010. Les autorités ont fait une erreur. Elles ont décidé qu'il fallait supprimer l'image de Mandela. La dernière photo qu'on a de lui date de 1966. À la fin des années 70, les jeunes Mandela, ils ne savent pas qui c'est. Ils ne l'ont jamais vu. Il n'y a de lui que de vieilles photos qui datent des années 50 pratiquement. Et faisant disparaître l'homme physiquement, ils vont aider à la création d'un mythe. C'est une sorte de mythe de la Révolution. Il ressemble de très près au dessin qu'on voit depuis quelque temps dans les journaux. Il est très grand, il est très digne, il est très droit, et il a un très beau sourire, il est grisonnant maintenant. C'était vraiment très très émouvant de le voir. Ce symbole, Lucie Pagé, ce Mandela qui croupit en prison depuis des années, là, on est au milieu des années 70, qu'est-ce qu'il incarne, qu'est-ce qu'il représente, ce Mandela, ce prisonnier Mandela? L'espoir, il représente, écoute, mettre fin à une des plus grandes folies de l'humanité, un système qui est basé sur la couleur de la peau. Donc, c'est l'espoir. Et cet extrait est fascinant. Oui, ça a créé un mythe, mais c'était déjà Mandela. On savait que c'était lui qu'il fallait pour négocier. Il n'y avait personne d'autre de cette stature-là. Et même en prison, il ne faut pas oublier qu'on lui a offert 5 fois la liberté. Il n'est sorti qu'à la 6e fois. Pourquoi? Ou 6 fois. Pourquoi est-ce qu'il refusait toujours? Parce qu'il dit, on ne peut pas... un homme emprisonné ne peut pas négocier. On peut négocier la liberté. Juste un homme libre peut négocier la liberté. Puis on lui donnait toutes sortes d'embûches. OK, tu peux te sortir de prison, mais tu ne peux plus faire de politique. Alors, parce qu'effectivement, il y a des négociations secrètes qui se déroulent en prison pendant qu'il est là. C'est lui qui les a commencées. Sans en parler à ses camarades parce qu'il n'aurait pas accepté. Même qu'on a été très fâchés après Mandela, il y avait beaucoup de damage control là, à faire en sortant parce que ses camarades, ils disaient, ben, t'es allé trop loin, t'as commencé à négocier. Ils savaient qu'ils n'avaient pas le choix. Parce que la seule façon d'avoir la paix dans ce pays-là, c'est d'amener tout le monde à la table des négociations. Même ceux qui ont fait des barbecues avec des êtres humains, avec ses camarades, ils s'étaient assis à la même table de négociation. Et c'est pour ça que ça a été si long, c'est que Mandela, il ne négociait pas sa libération, il était déjà en train de négocier la libération de tout un peuple. Nelson Mandela est sorti de son long cauchemar en homme simple, marchant vers sa liberté, accompagné de sa femme Winnie. À l'extérieur de la prison, une foule de partisans avait attendu des heures pour avoir le privilège de l'apercevoir les premiers. Mandela a ensuite été conduit à une assemblée monstre qui l'attendait depuis le début de la journée. Plus de 250 000 personnes se sont rassemblées ici en plein centre du Cap dans l'espoir d'entendre le premier discours public de Nelson Mandela. À Mandela! Visiblement au courant de ce qui se passait dans les rues, le leader noir a livré un message provocant et ferme, montrant qu'il n'avait pas été attendri par toutes ces années en prison. There must be an end to white monopoly on political power. Seule la négociation et l'attribution de ces droits politiques à la majorité noire, a-t-il dit, permettront d'éviter la poursuite de la lutte armée. Mandela a averti le président de Klerk de ne pas trahir ses promesses. La minorité blanche, a-t-il ajouté, doit, comme la majorité des Sud-Africains, reconnaître que l'apartheid n'a aucun avenir. In a united, democratic and non-racial South Africa is the only way to peace and racial harmony. C'est le 11 février 1990 qu'est donc libéré Nelson Mandela, Lucie Pagé, un homme déterminé, on vient l'entendre dans le reportage de Jean-François Lépine. Il n'a rien perdu de la vision claire qu'il a toujours eue pour l'Afrique du Sud. Ça représente quoi, cette libération de Mandela? Alors, il a marqué le ton, parce que ça aurait pu facilement tomber dans la vengeance, que leur icône sorte puis dise « Les maudits, faut taper dessus », tout le monde aurait tapé dessus. Oui. Mais il a dit, Mandela, « La vengeance, c'est un poison qu'on boit soi-même, puis qu'on s'attend à ce que l'autre meure. » Il savait qu'il n'y avait aucune issue. Oui. Alors, il est sorti, il a tendu la main au chef du parti qui l'a emprisonné pendant 27 ans. Il a dit « Bâtissons un pays ensemble ». Et ce que ça fait, c'était crucial. Ça a marqué le ton de la transition. La violence a commencé à cesser, c'est-à-dire la lutte armée, ils l'ont suspendue. Mm-hmm. Et les gens ont compris que c'était la seule façon de s'en sortir, c'était une révolution négociée. Et c'est son génie à Mandela, c'est son en fait. Génie. C'est la vision qu'il a pour ce pays, pas d'esprit revanchard. Il ne faut pas... L'idée, au fond, c'est pas que les Noirs remplacent les Blancs et se mettent à dominer le pays. C'est un pays, on dit souvent, cette vision d'un pays arc-en-ciel. C'est ouais. ça. Égalité pour tous. Égalité pour tous, c'est la force de Mandela, c'était qu'on est tous différents, n'est-ce pas? Et surtout si on est noir. Moi, je suis catholique, blanche, francophone, femme. Puis j'ai marié un hindou, noir, bon, etc. Et il bâtissait sur ce qui rassemble les êtres humains. La force de Mandela, c'est de construire des ponts sur ce qui unit un être humain. La force de Mandela, c'est de parler et de parler et d'écouter avec son cœur. Ouais. Il est donc libéré en 90, l'apartheid est aboli en 93, il devient président du pays de l'Afrique du Sud en 94. On écoute le politologue à l'UQAM, qui est sud-africain, ancien membre de l'ANC, Dan O'Meara, nous parler de cette fameuse élection de 1994. C'était une journée de joie totale. C'est une journée de réconciliation, de grâce. Il y avait des Noirs, des Blancs, les Métis, les Indiens, puis tout le monde s'est parlé, tout le monde s'est réellement. C'est la première fois dans ma vie que je vois mes parents parler égal à égal aux des Noirs, citoyen à citoyen. C'est le unique moment dans ma vie en Afrique du Sud, ça s'est pas produit après non plus, mais là où il y avait une égalité parfaite. C'est l'événement le plus marquant dans l'histoire du pays. Plusieurs ont attendu sous un soleil brûlant pendant 8 ou 9 heures avant de voter. Une femme âgée a dit « Oui, c'est long, oui, j'ai faim, mais j'ai aussi attendu 92 ans pour ce jour. » I, Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. So help me God. C'est le 10 mai 1994 que Nelson Mandela est donc assermenté comme président d'Afrique du Sud. Quel genre de président ça va faire, Lucie Pagé, Nelson Mandela? Quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui est là pour le peuple et quelqu'un qui négocie avec la rue, pour la rue. Ouais. C'est ce qu'il est. Et j'étais là le 10 mai 94. C'est la plus grande journée professionnelle de tous les temps pour moi. Ouais. Il n'y en aurait pas d'autre Mandela. Et mon fils a dit, cherchons le Mandela en nous. Dan O'Meara disait, il y avait, dans ce jour de l'élection en 94, il y avait un geste énorme de réconciliation. Il y en a eu d'autres. Je sais que pour vous, en fait, le 24 juin 95 est peut-être encore un plus grand geste de réconciliation. Oui, parce que le 10 mai 94, tout le monde se rassemblait en disant « OK, on est supposé être amis, comment est-ce qu'on fait ça? » Un an plus tard, on commençait à s'habituer à l'idée, mais Mandela a dit « Il y a deux choses qui unissent des masses d'hommes, les guerres et le sport. » Il dit « Je vais y aller pour le sport. » Il a utilisé la Coupe du monde de rugby. Un sport blanc. Un sport blanc. C'est un sport blanc. Il y avait le pour les Noirs, c'est le soccer. Les Indiens, le cricket et les Métis et les Blancs, le rugby. Et c'était la première fois même depuis les élections, où on voyait des Noirs et des Blancs s'embrasser dans la rue puis dire, c'était de la folie, hein, l'apartheid. C'était extraordinaire comme spectacle. Le monde debout sur les balcons, sur les toits des voitures. Mmh. C'était la première expression physique d'un amour entre deux peuples qui se rencontraient pour la première fois. Puis c'est Mandela qui avait vu ça. C'est ça encore. C'est de l'humanisme, mais c'est plus que ça. C'est du génie politique, au fond. Dire, on va les unir par le sport dans ce cas-là. Oui, mais Jacques, c'est pas du génie politique. C'est du génie humain. Parce qu'il était pas politicien. Mmh. Il était humain. Mmh. Il avait trop d'intégrité pour être un vrai politicien. C'est ce qu'on dit. Et c'était sa plus grande qualité. Il n'a jamais été corrompu par le pouvoir parce qu'il n'a jamais cherché le pouvoir. C'était le premier surpris, d'ailleurs. Vous êtes sûr? Vous voulez m'avoir comme président? Il doit avoir quelqu'un d'autre. Non, non, c'est vraiment vous. Je veux vous entendre, Lucie Pagé, sur le rapport que Mandela a et a eu avec les femmes parce que vous avez déjà dit il y avait deux grandes inégalités, deux grands systèmes inégalitaires en Afrique du Sud. Évidemment, le système racial, noir-blanc, mais l'inégalité entre hommes et femmes. Quel était son rapport aux femmes? Il adorait les femmes. C'était un homme aux femmes. Mais il aimait les femmes avec respect, même les belles femmes. Et il a fait beaucoup pour les femmes. D'ailleurs, le slogan, quand il est sorti de prison, c'était « One man, one vote ». Un homme, un vote. Il a dit « Hey, les femmes, là-dedans, ça fait qu'ils ont fait ça. Une personne, un vote. » C'est lui qui a dit que la femme, c'est la seule à disposer de son corps. Puis si elle veut se faire avorter, on devrait respecter. Donc, il a légalisé l'avortement. C'est lui qui a dit « Ah, oh, deux femmes veulent se marier et avoir des bébés? Je vois pas de problème avec ça. Ni deux hommes. Ah, pourvu que les gens s'aiment. » C'est lui qui a conseillé aux femmes Zimbabwe de faire la grippe du sexe pour stopper les ravages du sida dans son pays. C'est lui qui a amené les soins gratuits pour les femmes enceintes et les enfants en bas de 6 ans. Donc, pour les femmes, il dit c'est le pilier d'une société. Le proverbe africain qu'il répétait, tu éduques un homme, tu éduques un individu. Mm-hmm. Tu éduques une femme, tu éduques une société. Ouais. On va terminer cette émission en revenant sur une note plus personnelle. De quoi vous ennuyez-vous le plus de lui? Son honnêteté, sa chaleur, son amour, son humour. Il comptait toujours des farces. Il était drôle. Puis, il adorait raconter ses farces. Puis, il nous regardait si on riait. Puis, si on riait, là, il partait à rire, se tapait la cuisse. Il était simple. Il appelait souvent à 3h30 du matin parce que lui, il commençait ses journées. Puis, mon mari était avec lui la journée qu'il est sorti de prison, d'ailleurs. Il était seul avec lui dans sa maison. Puis, il a dit, bon, là, on te sort. Il était complètement renversé par toute la population. Puis, c'est ça, c'est sa candeur. C'est un grand candide. Mm-hmm. C'est un idéaliste, au fond, probablement. Oui, puis il faut ça. C'était un être humain les plus authentiques que j'ai jamais rencontrés et d'une humilité. Mm-hmm. Il a dit « je ». Toujours « nous ». C'était pas lui. Faut comprendre, c'était un chef d'orchestre, mais il y avait un orchestre. C'était une belle symphonie en Afrique du Sud. Lucie Pagé, merci infiniment d'être venue nous voir. Journaliste, auteur, entre autres, des livres Mon Afrique, publié aux éditions Libre Expression en 2001, Comprendre l'Afrique du Sud, publié chez Ulysse en 2011. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir, merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.